J'espère que t'as pas trop changé, que t'as toujours la niaque et cette envie de tout défoncer. Te rappelles-tu des premières punch, le feu de tes premiers couplets? La rime n'était pas lourde mais la passion t'a habité. Te souviens-tu des premières scènes à l'époque, t'avais pas 15 ans? Envie sur mes grandes gueules et des rêves un chouïa trop grand. Mais est-ce que t'as percé dans la zik? Est-ce que ça marche avec les filles? Je me pose 10 000 questions, je me sens comme perdu dans cette vie. As-tu des news de nos parents? S'aiment-ils toujours comme à l'époque où les jours étaient roses, que l'amour était réciproque? Je t'avoue, j'ai peur quand on parle d'avenir que je me braque. Au fait, est-ce que t'es toujours en contact avec toute la bande du skate? Les premières teufs, les premières tafs, les premières meufs, les premières crasses. Je me fabrique des souvenirs espérant qu'il en reste une trace. Est-ce que Bluebird existe encore, que le groupe est toujours soudé? Putain, de là où t'es, j'espère que t'as ce que tu souhaitais. Ici beaucoup de choses ont changé. J'ai toujours la passion mais le feu commence à s'atténuer. Non t'as pas percé dans la zik, à vrai dire tu t'y attends plus. T'as rencontré des stars mais bon les trois cartons déçus. T'enchaînes les concerts et les tracks, fatigué plus la tête en vrac. T'as sorti 5 albums et toujours pas un scud en flac. Mais niveau cœur c'est plus la même, t'as enfin fini d'en baver. Ça pourrait sembler faux mais aujourd'hui tu t'es marié. Je me pose toujours autant de questions mais du coup c'est plus trop les mêmes. Plus facile de se projeter aux côtés de la femme que t'aimes. Ouais j'ai des news de nos parents, le temps les a pas épargnés. À l'heure où j'écris ça y'a 6 ans qu'ils sont séparés. Et pour la Blue Bud c'est la même, sur 4 il en reste à que 3. Plus de nouvelles de Mazza mais dans le fond c'est peut-être mieux comme ça. T'inquiète tu décèleras tout ça en temps venu, garde la patience. Le futur fera mal, préserve un peu ton innocence.